C'était la bof nouvelle du jour. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est fort urbain. Antoine, je crois que vous aviez trouvé un mot pour aujourd'hui. Pas du tout. On peut aussi n'en avoir rien à faire. Moi, ça me convient d'en avoir rien à faire. Déjà que je me suis tapé la tribu de Dana. Donc peut-être qu'on peut écouter l'horoscope du jour. Et d'ici là, on aura peut-être trouvé un mot. Peut-être. Une nouvelle dédicace. Mais non. Arrêtez. Non, n'arrêtez pas. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Mais, génial. Mais... On va quand même passer l'horoscope. Merci. Mais c'est génial. Après, je vais me sentir stressée. Tu vois, je pensais pas qu'ils allaient faire parce que j'en ai juste parlé hier. Vous êtes mignons. Oui. Alors, l'horoscope du jour qui ne concerne que les taureaux. Mais les taureaux n'ont pas Internet non plus. Comment vont-ils faire? Bref. Régie, s'il vous plaît, pouvez-vous monter la piste stéréo concernant mini-jack de mon ordinateur? Et la démutée aussi. Et la démutée. Ouais, merci. Et nous pourrons éteindre ces insupportables micros. Gros bisous. L'horoscope du jour avec Astrid von Sirius, astrologue diplômée. Taureau. Premier décan. Aux alentours du 8, vous débuterez une profonde introspection, probablement motivée par votre soudaine et inexplicable cohabitation avec 6 dragons de Komodo. Deuxième décan. Saturne en opposition avec Jupiter vous permettra d'observer de près un curieux phénomène géologique lorsque votre habitation sera soudainement happée par un gouffre. Troisième décan. La conjonction Jupiter-Saturne favorise la pousse de cheveux et les tremblements de terre. Prévoyez votre budget en conséquence. Merci Astrid.